La science dit, quand une femme est fibrome, elle ne peut pas avoir d'enfant. Oui. Je dis, ah, ça c'est Il y a un bizarre problème. ça. Et là, elle commençait en fait. Donc je dis au Seigneur, là je suis encore chrétien, là je suis encore. Je dis au Seigneur, je dis donc tu es merveilleux comme ça, je ne savais pas que tu étais bon. Une femme qui a fibrome, elle est enceinte de moi. C'est que tu es bon, tu es merveilleux. Mais c'est le Dieu que je vais suivre. Je fais, je dis, mais c'est toi que je suis. Parce que tout le monde dit femme qui a fibrome ne fait pas enfant. Oui. Femme qui a fibrome ne fait pas enfant. Mais toi, tu fais. Toi, tu as fait elle a eu enfant. Donc, vraiment, c'est effectivement ma côte. C'est Oui. effectivement la femme que tu as ouvert pour moi. C'est-à-dire la femme que tu as choisie pour moi, c'est celle-là. Oui. Donc, c'est pourquoi tu as fermé la porte. Tu m'as montré que tu m'as sauvé. Ça fait double récompense que tu as faite là. Je dis, ça fait une double récompense. Donc, je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on est resté en contact, en contact, en contact. En tant celle que je suis avec elle ici, on est encore marié. Mais quand je veux. Le divorce. Oula, allô, encore une interruption. Alors on a été interrompu là. Je crois que c'est chez toi qu'il y a un peu des problèmes de connexion, bien c'est chez moi. C'est chez toi, je crois bien. Ah bah non, c'est chez moi, c'est chez moi. Je crois qu'il y a un peu des chutes de connexion chez moi. Veuillez patienter que ça se stabilise là. Permets-moi de regarder la connexion. Je crois que la connexion, ça s'est rétabli. Allô, mon frère. C'est quoi que c'est ma connexion qui est un peu chutée? Oui. Et là, maintenant, tu as commencé à faire les éloges de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour ta bonté. Voilà, je suis content de lui, je suis très content de lui. J'ai commencé à faire ses éloges et je me suis donné à lui. J'ai dit, bon, là, je prends, je lève la main, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il y a un serment, une alliance entre toi et moi. J'ai décidé de te suivre toute ma vie. Je t'ai choisi. J'ai dit, Jésus-Christ, tu m'as sauvé. C'est toi mon sauveur personnel, je t'accepte comme Seigneur. Donc là, j'ai tissé une alliance avec le Seigneur à partir de cet instant. Et je continue toujours à parler avec l'autre ici. Entre les parents ici, ils refusent quand je leur parle d'envoyer, d'arrêter le mariage parce que ce n'est pas leur souhait en fait. Oui. Ce n'est pas leur souhait, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Mais ils savent ce que leur fille a fait. Oui. Ils savent qu'elle m'a trompé. oui Et je prie Dieu encore. Je prie Dieu. Le dernier enfant, tu sais qu'en France, pour prouver que l'enfant n'est pas à toi, pour prouver que l'enfant n'est pas, il faut un test d'ADN. oui Et elle et moi, on avait décidé de faire un test d'ADN parce que c'était chaud dans notre couple. Mais elle a fait le test d'ADN. Moi, on a envoyé, mais elle a reçu le résultat à mon insu. oui Donc elle a caché le résultat. oui Et moi, je priais Dieu. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi tout ce qui est profond et caché. Révèle-moi, révèle-moi. C'était ça ma chanson. Et un jour, sa tante, qui m'appelle, qui me dit, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit quoi? Elle dit, bon, ça fait un moment. J'ai regardé un peu ce qui se passe dans ta vie. J'ai un truc à te remettre. J'ai dit quoi? Elle dit, j'ai le test d'ADN que ta femme t'a caché. Elle me donne le test d'ADN Oui. qui prouve que l'enfant n'est pas à moi. Donc j'ai dit, bon, si là j'ai toutes les preuves que l'enfant n'est pas à moi, alors le premier enfant il est acquis. Bonne question. Donc je commence à douter. Donc je vivais avec une femme qui était une prostituée. En fait, quand je partais, comme je travaillais beaucoup la nuit, quand je partais, elle recevait des hommes derrière moi, en fait. C'est terrible, hein? Oui. Et puis tu sais où? Dans la maison que je paye, c'est la maison, je paye la maison, je paye toutes les tailles, elle paye rien. Dans mon lit que j'ai acheté, que Dieu m'a donné, C'est la terrible. maison que Dieu m'a donné. En fait, tout ce qui était dans la maison était à moi. Et puis les gens, en fait, circulaient dans cette maison Oui, c'est pour terrible. pouvoir coucher avec cette maison. C'est terrible, vraiment. Franchement. Et j'essaie de voir avec les parents, je veux divorcer, je veux divorcer parce que je venais de connaître une femme. Et je continue, je commence à lire la Bible. J'ai lu la Bible. Et un jour, je tombe sur un passage que tu avais donné. Tu disais qu'il parlait dans Matthieu et concernant le mariage. Oui, Mathieu Et là, chapitre je me suis 19. dit, voilà. Je dis, ah, Matthieu chapitre 19. Je dis, ah, là, je suis encore marié. Et j'ai une autre fille, je veux la marier. Mais là, alors que